rien avec lui, il me régale, même si c'est un mytho. Y'en a, ils font les frais, pareil qu'en cellule, ils avaient pas de rideau. Ça dit j'arrive, ça revient plus, tellement ça ment, ça se rappelle plus. Ton mytho, arrête un peu, tu veux de l'espi, fais un peu. Ton stock de flèches est à sec, t'as un bouquin des darons sous whisky sec. Tu dis que ça t'attire, es-tu que ça t'a fait une 50 cent. Ils s'en foutent tout, ils flèchent même sa maman. Mais on le sait nous, moi ça me fait rire constamment. Tu es le tireur de coups francs, tu es un gros mytho. Tu me racontes tes pipos, t'es un gros mytho. T'as jamais volé, t'as jamais jolé, t'es un gros mytho. C'est mon frangin, je l'aime bien même si c'est un gros mytho. Mytho, mythoman, mytho, mythoman. Fraiseur, fraiseur fou, fraiseur, fraiseur fou. Il appelle des gars, dit que c'est un show qui tient le quartier. Il touche le chômage, il me gratte des blondes, il dit qu'il est un chien. C'est un gros mytho, il dit qu'il est vice et pas conduit. Il a peur de tout, mais sous flash, il me dit c'est sur qui conduire. Et tous les jours, il nous lance des bases au corps. Il s'arrête pas de nous flécher, il nous demande s'il en place ou pas. Tu es le tireur de coups francs, tu es un gros mytho. Que tu me racontes tes pipos, tu es un gros mytho. Tu as jamais volé, tu as jamais jolé, tu es un gros mytho. C'est mon frangin, je l'aime bien même si c'est un gros mytho. Mytho, mythoman, mytho, mythoman. Fraiseur, fraiseur fou, fraiseur, fraiseur fou. Ce mec est fou, il pourrait dire qu'il a cabré en voiture. Qu'il a vu les Schmitt, qu'il les a insultés, qu'ils ont rien fait, qu'il avait pas de ceinture. Gros mytho, grâce à toi je rigole toujours. Il a même dit qu'il peut rattraper un scooter quand il court. On a vu les képis, il m'a dit tourne à droite, moi je suis cramé. Il m'a dit tiens n'importe quoi, t'inquiète, mon oncle s'est cramé. À la gauche j'en vois les mythomans. Mais lui je l'aime bien, il me fait délirer. Il est tarpin, pas beau, mais avec les filles il fait le désirer. Il fait le désirer, ouais, ouais, ouais. Mytho. J'ai le tireur de coups francs, j'ai un gros mytho. Raconte tes pipos, t'es un gros mytho. T'as jamais volé, t'as jamais jolé, t'es un gros mytho. C'est mon frangin, je l'aime bien même si c'est un gros mytho. Mytho.